sang. Ta vie, t'as tué les. Dans les campagnes, dans les cités, il n'y a pas d'activité. Un gang contre le crime, un gang contre l'ennui. Un gang contre le crime, un gang contre l'ennui. Dans cette ville sans vie, tu restes pétoche sur ces poubelles sans envie. T'as commencé par faire péter des poterelles pour décoller, par filmer des cigarettes, de finir par te saouler. Un gang contre l'oubli, un gang contre l'ennui. Un gang contre l'oubli, un gang contre l'ennui. Dans cette ville de sang-vie, tu restes des jeunes sur ces poubelles sans envie. De tenue, en tenue, d'abord c'est un bandit. Pour vous, une seule devise, de l'aide, de s'évoler. Un gang contre l'oubli, un gang contre l'ennui. Un gang contre l'oubli, un gang contre l'ennui. La justice t'a rattrapé. Pour toi, sa seule fois où l'on t'oubliera pas. Un gang contre l'oubli, un gang contre l'ennui. Un gang contre l'oubli.